Vous le savez, je suis consultant en tout et n'importe quoi. Et ce, en France comme à l'étranger. Eh bien, figurez-vous qu'hier, j'ai reçu un coup de fil de la Maison Blanche. C'était mon George W. tout paniqué. Allons, Helmut. Ah, qu'est-ce qu'il y a, W? C'est le maire, the big shit. Tu sais, Lord Stoppet de Kerry va me battre pour l'élection. Arrête de paniquer, W. Moi, je te dis que les sondages le donnent gagnant, le fils de pute. Ah, j'ai encore une speech à la télé à faire avant l'élection. Bon, calme-toi, j'arrive. 2 heures plus tard, j'étais à la Maison Blanche. Je suis rapide, moi. On a fait un petit briefing. Je lui ai conseillé d'être à 100% lui-même, qu'il fallait pas tricher, etc., etc., toutes les conneries. Ah, comme il trouvait que je parlais tellement bien, il m'a demandé de le remplacer. 5 heures plus tard, j'étais en studio télé, déguisé en George W. Bush, face aux caméras du monde entier, et un animateur plutôt agressif. Mr. President, qu'allez-vous faire en Irak si vous êtes réélu? What a question à la con, my friend. If I am réélu, j'envoie tout de suite The Army, je rase le pays et je fais un Disneyland géant. Your investor John Kerry dit que vous êtes crazy et ignorant. Let me fend la gueule. This little tapette de John Kerry is no good for America. Il est pour la paix et ça c'est moche. What is your program exactly? Alors, in December, I declare la guerre to the Mexican. In janvier, je fais sauter the Corée du Nord. En février, I go en vacances au Brésil, chez my friend Zouzou. And in juin, I come back and I réembauche Monica Lewinsky à la Maison Blanche. And à part ça, what about the chômage in America? All the chômeurs become soldats and go faire la guerre. Mr. President, thank you. Y'a pas de mal. Eh ben purée, avec ça, s'il est pas élu W, c'est à plus rien y comprendre en politique étrangère. Bon, je vous laisse, je dois aller filer un coup de main à John Kerry maintenant. Allez, au revoir, Zen.